Pourquoi je suis si sage? Paragraphe 6 à 8. L'absence de ressentiment, la clarté sur la nature du ressentiment, qui sait si, en fin de compte, je ne les dois pas aussi à ma longue maladie. Le problème n'est pas précisément simple. Il faut en avoir fait l'expérience en partant de la force et en partant de la faiblesse. Si l'on peut faire valoir quelque chose contre l'état de faiblesse, contre l'état de maladie, c'est que le véritable instinct de guérison s'affaiblit, et chez l'homme cet instinct est un instinct de défense. On arrive à se débarrasser de rien. On arrive à rien rejeter. Tout blesse. Les hommes et les choses s'approchent indiscrètement de trop près. Tous les événements laissent des traces. Le souvenir est une plaie purulente. Être malade, c'est véritablement une forme du ressentiment. Contre tout cela, le malade ne possède qu'un seul grand remède. Je l'appelle le fatalisme russe. Ce fatalisme sans révolte dont est animé le soldat russe qui trouve la campagne trop rude et finit par se coucher dans la neige. Ne plus rien prendre. Renoncer à absorber n'importe quoi. Ne plus réagir d'aucune façon. La raison profonde de ce fatalisme, qui n'est pas toujours le courage de la mort, mais bien plus souvent la conservation de la vie, dans les circonstances qui mettent le plus la vie en danger, c'est l'abaissement des fonctions vitales, le ralentissement de la désassimilation, une sorte de volonté d'hibernation. Avancez de quelques pas dans cette logique et vous aurez le fakir qui dort pendant des semaines dans un tombeau. Parce que l'on s'userait trop vite si l'on réagissait, on ne réagit plus du tout. C'est la logique qui l'exige. Et rien ne vous fait vous consumer plus vite que le ressentiment. Le dépit, la susceptibilité maladive, l'impuissance à se venger, l'envie, la soif de la haine, ce sont là de terribles poisons, et pour l'être épuisé, ce sont certainement les réactions les plus dangereuses. Il en résulte une usure rapide des forces nerveuses, une recrudescence morbide des évacuations nuisibles, par exemple des épanchements de bile dans l'estomac. Le malade doit éviter à tout prix le ressentiment. C'est ce qui, par excellence, lui est préjudiciable. Mais c'est malheureusement aussi son penchant le plus naturel. Le profond physiologiste qu'était Bouddha l'a compris. Sa religion, qu'il faudrait plutôt appeler une hygiène, pour ne pas la confondre avec une chose aussi pitoyable que le christianisme, subordonne ses effets à la victoire sur le ressentiment. Libérer l'âme du ressentiment, c'est le premier pas vers la guérison. Ce n'est pas par l'inimitié que l'inimitié finit, c'est par l'amitié que l'inimitié finit. Cela se trouve écrit au commencement de la doctrine de Bouddha. Ce n'est pas la morale qui parle ainsi, mais l'hygiène. Le ressentiment né de la faiblesse n'est nuisible qu'aux êtres faibles. Dans les cas où l'on se trouve en présence d'une nature abondante, c'est un sentiment superflu, un sentiment dont il faut se rendre maître pour démontrer sa force. Celui qui connaît le sérieux qu'a mis ma philosophie à entreprendre la lutte contre les sentiments de vengeance et de rancune, poursuivant ce sentiment jusque dans la doctrine du libre arbitre, la lutte contre le christianisme n'en est qu'un cas particulier. Celui-là comprendra pourquoi je tiens à mettre en lumière mon attitude personnelle, la sûreté de mon instinct dans la pratique. Dans mes moments de décadence, je me suis gardé de ces sentiments parce que je les considérais comme nuisibles. Dès que chez moi la vie redevenait assez abondante et assez fière, je me les interdisais parce que je les trouvais au-dessous de moi. Ce fatalisme russe dont j'ai parlé s'est manifesté chez moi en ceci que je me suis cramponné âprement pendant des années à des situations, à des sociétés presque insupportables après que le hasard me les eût données. Il valait mieux n'en pas changer, pour ne pas sentir la possibilité de les changer. que de succomber à un mouvement de révolte. J'en voulais alors à mort à celui qui me troublait dans ce fatalisme, à celui qui voulait me réveiller brusquement. Et de fait, il y avait chaque fois danger mortel. Se considérer soi-même comme une fatalité, ne pas vouloir se faire autrement que l'on est, dans des conditions semblables, c'est la raison même. La guerre, par contre, est une autre affaire. Je tiens de nature les aptitudes guerrières. L'attaque est, chez moi, un mouvement instinctif. Pouvoir être ennemi, cela fait peut-être supposer une nature vigoureuse. De toute façon, c'est une condition qui se rencontre chez toute nature vigoureuse. Celle-ci a besoin de résistance, par conséquent, elle cherche la résistance. Le penchant à être agressif fait partie de la force aussi rigoureusement que le sentiment de vengeance et de rancune appartient à la faiblesse. La femme, par exemple, est rancunière. Cela tient à sa faiblesse, tout aussi bien que sa sensibilité devant la misère étrangère. La force de l'agression peut se mesurer à la qualité de l'adversaire plus puissant ou d'un problème plus dur, car un philosophe qui est belliqueux engage la lutte même avec les problèmes. La tâche ne consiste pas à surmonter les difficultés d'une façon générale, mais à surmonter des difficultés qui permettent d'engager sa force tout entière, toute son habileté et toute sa maîtrise dans le maniement des armes, pour se rendre maître d'adversaires qui vous soient égaux. L'égalité devant l'ennemi, première condition pour qu'un duel soit loyal. Quand on méprise, on ne peut pas faire la guerre. Quand on commande alors que l'on se sent en présence de quelque chose qui est au-dessous de soi, on ne doit pas faire la guerre. Ma pratique de la guerre peut se résumer en quatre propositions. En premier lieu, je n'attaque que les choses qui sont victorieuses. Si cela est nécessaire, j'attends jusqu'à ce qu'elles le soient devenues. En deuxième lieu, je n'attaque que les choses contre lesquelles je ne trouverai pas d'alliés, où je suis seul à combattre, seul à me compromettre. Je n'ai jamais fait publiquement un pas qui ne m'eût compromis. C'est là chez moi le critérium de la véritable façon d'agir. En troisième lieu, je n'attaque jamais de personne. Je ne me sers des personnes que comme d'un verre grossissant au moyen duquel on peut rendre visible une calamité publique encore cachée et difficilement saisissable. C'est ainsi que j'ai attaqué David Strauss, ou plus exactement le succès d'un livre caduc auprès du public allemand cultivé. Ce faisant, j'ai pris sur le fait cette culture allemande. C'est ainsi que j'ai attaqué Wagner, plus exactement le caractère mensonger et hybride de notre civilisation, qui confond ce qui est raffiné avec ce qui est abondant, ce qui est tardif avec ce qui est grand. En quatrième lieu, je n'attaque que les choses où toute différence de personne est exclue, où tout arrière-plan d'expérience fâcheuse fait défaut. Au contraire, attaquer, c'est chez moi une preuve de bienveillance. Dans certains cas, c'est même un témoignage de reconnaissance. Je rends hommage, je distingue en unissant mon nom à une chose, à une personne, que ce soit pour la défendre ou pour la combattre, c'est après tout sans importance. Si je fais la guerre au christianisme, je crois pouvoir la faire parce que de son fait, je n'ai jamais subi nul désagrément, nulle entrave. Les chrétiens sérieux ont toujours été disposés favorablement à mon égard. Moi-même, bien que je sois par principe un ennemi du christianisme, je suis loin d'en vouloir aux individus à cause d'une chose qui est la fatalité de plusieurs milliers d'années. Puis-je hasarder d'indiquer encore un dernier trait de ma nature qui, dans mes rapports avec les hommes, n'a pas été sans me créer des difficultés? Je suis doué d'une impressionnabilité absolument inquiétante du sens de la propreté, de sorte que je perçois physiologiquement l'approche, que dis-je, l'intimité de la nature la plus cachée de l'âme que j'ai devant moi. je la flaire. Grâce à cette impressionnabilité, j'ai comme des antennes psychologiques à l'aide desquelles je puis tâter et palper toutes sortes de mystères. Toute la pourriture cachée qui croupille au fond de certaines natures, mais qui tire peut-être son origine de quelques vices de sang dissimulés par l'éducation, je l'aperçois presque toujours dès le premier contact. Si j'ai bien observé, ce genre de nature, incompatible avec mon sens de la propreté, devine généralement la méfiance que m'inspire mon dégoût. Cela ne leur fait pas avoir une meilleure odeur. Ainsi que j'en ai pris l'habitude, une pureté absolue en moi et autour de moi m'est une nécessité vitale, je dépéris dans des conditions d'existence douteuses, je me baigne et je nage en quelque sorte perpétuellement dans l'eau claire ou dans quelque autre élément parfait, transparent et plein d'éclat. C'est pourquoi les rapports que j'ai avec les hommes mettent sans cesse ma patience à l'épreuve. Mon humanité ne consiste pas à sympathiser avec mon prochain, mais à supporter que je le sente près de moi. Mon humanité est une perpétuelle victoire sur moi-même. Mais j'ai besoin de la solitude, je veux dire du retour à la santé, du retour à moi-même. J'ai besoin d'un air léger qui se joue librement. Mon Zarathoustra tout entier est un dithyrambe à la solitude, ou, si l'on m'a bien compris, à la pureté. Heureusement que ce n'est pas à la pure folie. Celui qui possède des yeux pour voir les couleurs dira qu'il est de diamant. Le dégoût que m'inspiraient les hommes, la racaille, fut toujours mon plus grand danger. Veut-on écouter le discours où Zarathoustra parle de sa délivrance du dégoût? Que m'est-il donc arrivé? Comment me suis-je délivré du dégoût? Qui a rajeuni mes yeux? Comment me suis-je envolé vers les hauteurs où il n'y a plus de canailles assises à la fontaine? Mon dégoût lui-même m'a-t-il créé des ailes et les forces qui pressentaient les sources? En vérité, j'ai dû voler au plus haut pour retrouver la fontaine de la joie. Oh, je l'ai trouvée, mes frères! Ici, au plus haut, jaillit pour moi la fontaine de la joie. Et il y a une vie où l'on s'abreuve sans la canaille. Tu jaillis presque avec trop de violence, source de joie, et souvent tu renverses de nouveau la coupe en voulant la remplir. Il faut que j'apprenne à t'approcher plus modestement. Avec trop de violence, mon cœur afflue à ta rencontre. Mon cœur où se consume mon été, cet été court, chaud, mélancolique et bienheureux. Combien mon cœur estival désire ta fraîcheur, source de joie. Passez l'hésitante affliction de mon printemps, passez la méchanceté de mes flocons de neige en juin. Je devins estival tout entier après-midi d'été. Un été dans les plus grandes hauteurs, avec de froides sources et une bienheureuse tranquillité. Venez, ô mes amis, que ce calme grandisse en félicité. Car ceci est notre hauteur et notre patrie. Notre demeure est trop haute et trop escarpée pour tous les impurs et la soif des impurs. Jetez donc vos purs regards dans la source de ma joie, ami. Comment s'en troublerait-elle? Elle vous sourira avec sa pureté. Nous bâtirons notre nid sur l'arbre de l'avenir. Des aigles nous apporteront la nourriture dans leur bec à nous autres solitaires. En vérité, ce ne seront point des nourritures que les impurs pourront partager, car les impurs s'imagineraient dévorer du feu et se brûler la gueule. En vérité, ici nous ne préparons point de demeure pour les impurs. Notre bonheur semblerait glacial à leur corps et à leur esprit. Et nous voulons vivre au-dessus d'eux comme des vents forts, voisins des aigles, voisins de la neige, voisins du soleil. Ainsi vivent les vents forts. Et, semblable au vent, je soufflerai un jour parmi eux. À leur esprit, je couperai la respiration avec mon esprit. Ainsi le veut mon avenir. En vérité, Zarathoustra est un vent fort pour tous les bas-fonds. Et il donne ce conseil à ses ennemis et à tout ce qui crache et vomit. Gardez-vous de cracher contre le vent.